My little friend. This is an image made by the people at Disney for me of a character I play in The Great Mouse Detective. He's called Professor Radigan. He's a rat, but he doesn't like to be called a rat. He likes to be thought of as a very large mouse. Very subtle. Well, this is worth all the Oscars in the world. All the Oscars in the world are lumped right into that marvelous figure. Still. No, I don't take myself seriously at all. Maybe I should have, but I don't, because I really think of life as a great expression of joy. And if you take yourself seriously, you're going to be defeated, I'm afraid. Well, I've lasted a long time. This is my 51st year in the business, as it's called. I think maybe the key word is business. I've never thought of it as a business. I've thought of it as an expression of fun, of joy, and that you should be able to make fun of yourself. This character is really me. Donc, c'est merveilleux. Dude. Bon, j'ai quand même ça. Voir mon ami et l'inspiration, Vincent Price, était incroyable de travailler avec lui. Il était quelqu'un si généreux. Oh. Quand il est venu, j'avais le trac de le voir pour la première fois. Et j'ai serré la main. Oh, monsieur Price. Non, Vincent. Non, c'est vous, monsieur Keane, vous êtes le maître d'Armas. Non. C'était incroyable qu'il était si fasciné par l'animation. Il était comme un enfant, vraiment comme un enfant. Ce qu'il disait, la joie explosait de son cœur pendant toute la production. C'était incroyable. Et ça me faisait penser à vous hier soir. On sent qu'il y a un vrai plaisir. Ah! À faire ça. On sent que justement, on ne parle pas de business, pas d'Hollywood, pas de Disney, enfin, c'est autre chose. On parle vraiment du plaisir d'animer, de dessiner. Ah, l'autre jour, j'ai parlé avec mon productrice à propos de l'idée que l'industrie of animation industry, que je n'aime pas la terminologie parce que je mets beaucoup d'efforts en pensant que ce n'est pas une industrie, c'est un art pour moi. Au début, j'ai voulu être un artiste et toujours, je pense premièrement comme moi, je pense à moi comme un artiste et deuxièmement, un animateur qui exprime avec l'animation, mais c'est l'art qui m'attire. Mais vous êtes très connu évidemment pour l'animation de personnages, la force. Est-ce qu'on a besoin, parce que d'après ce que j'ai compris, vous êtes loin du personnage de Ratigan. Vous n'êtes pas méchant, vous n'êtes pas le personnage de Ratigan est méchant. Est-ce qu'on a besoin de gens comme Vincent Price, comme votre petit-fils pour duel, des gens comme ça qui vous inspirent? Parce qu'on vous voit souvent les animateurs en train de faire des grimaces, des choses comme ça. Uh-huh. On a vraiment besoin quand même d'autres choses de l'extérieur. En fait, je pense... Tout le monde comprend très bien le méchant et la générosité, l'avarice. Je partage tous les vices d'un être humain. Donc j'ai puisé sur ces trucs en animant Ratigan et le désir d'un personnage de croire que l'impossible est possible existait dans Ratigan, qu'il croyait lui-même pas comme un rat, mais comme une petite souris, il voulait. Mais ce qui est important pour moi, c'est de croire vraiment que le personnage existe. Et ce n'est pas un dessin, c'est plutôt une façon pour moi d'entrer dans le pot. Et quand j'entre dans le pot, je pense comme eux. Harley Johnson m'a conseillé toujours de ne pas animer le mouvement, mais d'animer ce que le personnage pense. C'est l'intérieur que j'essaie d'animer. Mais comment on passe de Ratigan à Ariel de La Petite Sirène? Ces deux personnages qui sont à l'opposé quasiment. Et dans Duet aussi, on a des personnages qui sont très opposés. Oui, c'était quelque chose qui m'appelait. Au début, j'allais pour La Petite Sirène, j'étais censé animer Ursula. Mais dès que j'ai entendu Jodie Benson chantant Part of Your World, j'étais envoûté. Cette musique, il faut que j'anime cette fille. Wow! Et je suis allé parler avec les réalisateurs et je disais, ah, je veux animer Ariel. Non, mais tu animes les personnages grands, la bête, Ratigan. Est-ce que tu peux dessiner une fille jolie? Ah oui. Ah non, je dessine ma femme pendant notre mariage. Donc j'ai basé Ariel sur elle. Et Ratigan, j'ai basé à ce moment-là sur le président ancien Disney qui s'est marié, la fille de Walt Disney, Ron Miller, et qui était très costaud, mais ce n'était pas quelque chose de méchant, mais c'est plutôt un honneur de lui représenter comme le personnage. Je me dépêche, j'aimerais bien continuer, mais il faut qu'on aille vite. Alors, hier, on a beaucoup parlé de quelqu'un, vous avez beaucoup parlé de quelqu'un, qui est Rodin. Oui. Hein, la liberté du trait de Rodin. Et je me demandais si Duet, c'était un peu l'envie de trouver cette liberté, là, des images de Rodin, qui sont dures à avoir en animation. Quand on voit la bête en charbon, comme vous l'avez fait, on la retrouve pas finalement dans le film. C'est difficile, ça. Oui, les dessins et les sculptures de Rodin. Il faut comprendre les deux, vraiment comprendre Rodin. Et quand je vois les dessins de Rodin, j'imagine les premières essais de mon animation. Quelque chose avec le mouvement, et c'est très expressif. Les dessins surgissent de son âme, et ils sont séduisants. Il y a un rythme qu'il dessine. Et quand j'anime, c'est la même chose. Quand je vois les dessins de Rodin, je vois le rythme, le mouvement et il y a une expression que c'est la même chose que j'essaie de faire quand j'anime moi-même. Mais après avoir fait cette mélodie, la musique, le dessin, il faut créer une forme sculptée. Je pense de dessiner sculptural, comme si vraiment j'essaie de sculpter dans l'espace avec le crayon. Et en regardant Rodin, il a créé les formes solides. C'est comme une montagne de chair, mais créée en métal. C'est doux mais solide en même temps. Et j'aimerais créer quelque chose comme ça. Et quand j'anime, je tourne le personnage en dimension, en perspective. Tout de suite, Ariel, avant qu'elle commence à chanter, j'ai tourné Ariel en espace. Et la même chose pour Duet. Pendant tout le film, j'ai essayé de tourner les personnages. Et le premier jet était très expressif, comme les dessins de Rodin. Et puis après, j'ai voulu continuer à tourner, à faire la pirouette avec les ballerines. C'est intéressant que vous voyez le Rodin dans Duet, parce que pour moi, ça c'est le but de ma vie, c'est d'essayer de répliquer Rodin. Et on a parlé de quelqu'un d'autre, encore un autre livre. On a parlé de quelqu'un d'autre hier, bien sûr. C'est Frédéric Bach, dont on en a parlé. Ce qui est drôle quand on voit, quand on regarde, ça c'est le catalogue de l'exposition qui a eu lieu au Japon, et quand on regarde ses premiers films, c'est presque, même s'il y a déjà, il y a un côté très réaliste, et plus on avance, plus on sent que le trait prend de plus en plus d'importance. Et Frédéric Bach, il fait du court-métrage. Et là, avec Duet, vous faites du court-métrage. Est-ce que le court-métrage, c'est une bonne possibilité justement de s'exprimer un peu plus librement, on va dire, au niveau du dessin en tout cas. Oui, on n'a pas un grand studio derrière, et donc ce n'est pas nécessaire de tirer toutes les demandes d'un grand studio. Et j'étais très jaloux de Franklin Park, la première fois que j'ai vu l'homme qui plantait des arbres. Oh, ça chantait comme l'avenir est ici. Et alors, il m'a encouragé toujours de trouver un moyen d'exprimer quelque chose à l'intérieur de moi. Et en regardant l'homme qui plantait des arbres, j'ai trouvé que c'était une inspiration pour Duet, en pensant que l'animation peut être plus visuelle, plus poétique. C'était un poème visuel, en fait. Alors, j'ai presque terminé, j'ai 11 minutes, je vais vite me dépêcher. The last book. Oscar Fischinger, est-ce que pour vous, il y a la possibilité vraiment de commencer à raconter des images? Quand j'ai vu Duet, Ah oui, ça c'est Oscar Fischinger. On parlait beaucoup d'Oscar Fischinger, surtout récemment, parce que en animant les petites ou le reflet de l'eau, et il y a un mouvement, surtout au début, de Duet va apparaître sur le portable avec les images un peu comme Oscar Fischinger. Il était une inspiration pour moi. Maintenant, j'aimerais continuer dans ce chemin d'animation abstraite et aussi figurative. Le mariage de deux duets, c'était un peu comme ça. Vous avez tenté de faire un seul plan, c'est très long, enfin, on a ce plan dans Duet. Est-ce que vous pensez qu'on peut raconter uniquement en mouvement une histoire, justement être à la fois un peu dans l'abstrait au niveau du dessin, Ah mais dans oui. le figuratif, d'en raconter quelque chose réellement? Ah, bravo, oui, j'ai tellement de désir à faire, de suivre ce chemin, parce qu'il y a quelque chose qui m'attend, qui on n'a jamais vu. Peut-être Walt a commencé à explorer avec Fantasy, hein, mais il y a toujours les portes ouvertes.